démission. On aurait aimé ça, moi et mon épouse, être là. Mais ceux qui sont peut-être au courant, on a eu beaucoup de petits problèmes de pneus. Oui, comme Jésus, il y avait des clous dedans. Mais contrairement à ce que Jésus a accompli à la croix, ces pneus-là se désagrégeaient à de l'intérieur. Et c'était... ça se désagrège de l'intérieur, ça se désagrège de l'intérieur. C'est comme un timer que tu mets jusqu'au jour où ça explose. Et, mais Dieu merci que, comme en Jésus, on peut changer les, on peut changer la nature qui se désagrège de l'intérieur et se revêtir d'une nouvelle nature. Et ce matin, on était descendu avec deux nouvelles natures, ce qui nous a permis d'être là. Avec vous, on a trouvé quelqu'un. Moi, je suis de la région de Warwick, alors ce n'est pas un gros village, je ne veux pas rouler trop loin. Mais il y a un concessionnaire de pneus usagés à Warwick et j'ai rencontré, je pense que Dieu m'avait conduit, j'ai rencontré un ami d'école, une connaissance d'école que je n'avais pas vue depuis le primaire, le secondaire, François Ménard. Et je vais prier pour lui, je vais chercher à reprendre contact avec lui. C'est quelqu'un qui est au primaire, au secondaire. Tu sais comment les enfants peuvent être méchants. C'est quelqu'un qui ne l'a pas eu facile. J'étais content de le voir puis de voir qu'il travaillait là-bas dans ce garage-là, de voir qu'il était bien. Puis c'est drôle, ça fait des années que je n'avais pas pensé à François Ménard. Puis je descends à Warwick, je prends François Ménard, puis on a un problème de pneus, puis on s'en va dans ce garage-là. Il faut que je prie pour ce gars-là, il faut que je garde contact avec lui. Dieu, il n'y a pas rien que Dieu fait sans avoir un but, une intention en quelque part. Juste avant d'aller au titre de votre message, je vais avoir deux blagues ce matin. Est-ce que c'est sacrilège qu'on fasse une blague un dimanche matin au cours d'une prédication? Il y a un message en arrière de ça. Et comprenez que des fois, on fait des blagues, c'est parce que ça nous reste, ça accroche un petit peu plus. La première blague, ce n'est pas une blague que vous pouvez avoir entendre. Vous avez pu entendre ce matin, Nathanaël a fait un commentaire dans l'auto et la blague m'est venue sur le commentaire qu'il m'a fait. Et c'est pour vous dire comment Dieu peut faire de grandes choses au milieu de nous. Il a dit, et je vais vous conter ma blague en même temps, c'est quoi la différence entre Dieu et Donald Trump? Et c'est une blague, hein, comprenez? Je ne veux pas attaquer vos opinions politiques. C'est une blague ce matin. Quelle est la différence entre Dieu et Donald Trump? Une petite... Non, non. Un qui se croit supérieur, l'autre qui l'est. Non, c'est plus subtil que ça. C'est une petite différence. Une petite différence. Dieu, c'est quasiment pareil, mais il y a quand même une petite différence. Dieu, pendant 6 jours, il a créé, il a fait des bonnes choses et le dimanche, il s'est reposé. Donald Trump, pendant 6 jours, il fait toutes sortes de bêtises, mais le dimanche, lui aussi, il se repose. Et c'est un temps où on se repose, on se ressource. C'est dans notre vision à l'Église communautaire Mountain View que le dimanche n'est pas le point culminant de ce qu'on fait. Le dimanche, c'est notre point de départ. C'est notre catapulte. On a un repos, on a un sabbat en Jésus, mais quand on s'approche vraiment de Jésus, quand on le goûte vraiment, c'est alors que on peut entrer dans tout ce à quoi Dieu nous appelle. Et tout ce à quoi Dieu nous appelle, il y a une partie de service ici et on a des choses à faire et on croit qu'on veut que vous développiez vos dons, on veut que vous identifiez votre style de leadership. D'ailleurs, s'il y en a que vous ne l'avez pas fait encore, on va refaire ces styles de leadership-là, on va refaire ces exercices-là au niveau des dons. C'est des outils qu'on a pour vous aider, vous, à vous trouver, à trouver votre place. Dans le corps, à trouver votre place dans le corps, ce n'est pas juste ici entre ces quatre murs, mais c'est à l'extérieur. Il y a des choses qu'on va organiser, mais il y a des choses qu'on ne peut pas organiser. Il y a des appels, il y a une onction particulière qui sont faits. Je pense que c'est déjà un de mes thèmes de prédication, où votre appel, votre onction est fait sur mesure pour vous. Votre communauté, les gens qui vous entourent, votre famille, les gens que vous côtoyez au travail, c'est sur mesure pour vous. Et Dieu a déposé en vous quelque chose pour les affecter. Et maintenant, j'espère que ce matin, vous allez pouvoir entrer un peu dans ces choses-là, goûter un peu dans ces choses-là, être fortifié, être catalysé ici pour rencontrer Jésus, connaître, le connaître vraiment, avoir une expérience concrète avec lui pour être en mesure d'influencer votre communauté. Le titre de mon message ce matin, c'est « Voir ta gloire ». Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça, voir la gloire de Dieu? Un peu plus de voir ta gloire. Et j'espère que ça va se démystifier pour vous ce matin. Ce n'est pas très compliqué de voir la gloire de Dieu. Et je vais vous donner un message très simple. J'ai une idée pour vous ce matin sur ce que c'est cette gloire-là. Et moi, je crois que chaque personne, et on le voit au courant de l'histoire, je vous ai commencé le message en, les 500e anniversaire de la Réforme. Les gens qui ont eu un impact dans la Réforme, et même avant la Réforme, il y avait une pré-Réforme. Et c'est quelque chose qui continue depuis toujours. Les gens qui ont un impact pour Dieu, c'est des gens qui ont vu sa gloire. C'est des gens qui ont goûté à sa gloire, qui ont été impactés par toute la grandeur de Dieu. Amen. Deuxième blague pour vous ce matin. On peut voir la photo qui suit. Mon ami Albert Einstein, qui a été professeur, qui est décédé en 1955, qui a été professeur au New Jersey, Princeton, c'est au New Jersey. Je crois. Il était au New Jersey, puis ils ont dit qu'il était à l'Université de Princeton. Ah, il était au New Jersey. Alors, voici cette blague. Albert Einstein doit aller en Californie, à Berkeley, en Californie. Il doit prendre le train. Long voyage en train, hein, du New Jersey en Californie. Et un monsieur qui s'assoit à côté de lui, qu'il ne connaît pas vraiment. Alors, un monsieur quelconque qui vient s'asseoir à côté d'Albert Einstein. Les deux se saluent. Bonjour, je suis Albert Einstein. Oh, il me semble que votre nom me dit quelque chose. Oui, Albert Einstein, théorie de la relativité, tout ça, génie, prix Nobel de physique. Ah, OK, moi, je suis M. Joe Smith, plombier de son métier. Je m'en vais en Californie. Moi aussi, on s'en va en Californie. C'est un long voyage, mon ami Joe. Pourrais-tu faire un jeu pour se désennuyer. Puis peut-être mettre un petit peu de piquant, tu sais, on pourrait-tu mettre un montant d'argent dessus? Ouais, monsieur dit, ouais, mais là, vous êtes Albert Einstein, moi je suis Joe Smith le plombier. C'est-tu moyen de. Si on va ses connaissances, là, on dit bon, OK, j'avoue que je suis un génie, peut-être. Toi, tu as juste le G ou le N, mais tu n'as pas les deux ensemble. Regarde, on va se poser des questions. Si tu n'es pas capable de répondre, tu me donnes un certain montant. Si je ne suis pas capable de répondre, c'est moi qui me donne un certain montant. Puis pour niveler ça, ben, si tu n'es pas capable de répondre, tu me donnes 50 $. Puis si c'est moi qui n'ai pas capable de répondre, je te donne 500 $. Alors, je vais commencer. Alors, Albert Einstein, il dit, garde, là, je vais te faire ça quelque chose de simple. Peux-tu m'expliquer les deux particularités de ma théorie de la relativité et comment ça affecte la perception temporelle? Joe Smith dit, ouh, difficile celle-là. Fait que, bon, il va chercher dans son porte-monnaie, puis il sort 50 $. J'en ai aucune idée, Albert, là. C'est toi qui es génie, là. Moi, je ne sais pas. Bon, c'est correct. Bon, maintenant, toi, pose-moi quelque chose. Alors, Joe Smith se gratte la tête, dit « Ah, OK, j'ai quelque chose pour toi. » Qu'est-ce qui commence à monter la montagne à quatre pattes, arrive au sommet de la montagne à deux pattes, puis descend la montagne à trois pattes? Albert Einstein est déculotté du haut de son prix Nobel. Il cherche, il dit « Ouf! » Je ne sais pas. Alors, il fouille dans son porte-monnaie, donne 500 $ à Joe Smith. Il dit, ben, j'ai une autre question pour toi, mais avant que je te pose cette autre question-là, j'aimerais savoir, Joe Smith, qu'est-ce qui monte la montagne à quatre pattes, arrive au sommet de la montagne à deux pattes, puis descend la montagne à trois pattes? Il dit, Albert Einstein, je l'ai déjà entendu, je savais que ça serait quelque chose de bon, mais il va chercher dans son porte-monnaie 150 $. Moi non plus, je ne sais pas. Non, pour ceux qui veulent savoir, c'est une énigme classique, hein? Qu'est-ce qui monte la montagne à quatre pattes, arrive au sommet de la montagne à deux pattes et descend la montagne à trois pattes? C'est l'être humain. C'est l'être humain. Commence sa vie à quatre pattes, arrive au sommet de sa vie sur deux pattes et dans la fin de sa vie sur trois pattes avec l'aide d'une canne. Ah, bon, Israël! Hey, est-ce qu'on peut applaudir Israël? Hein? T'aurais sauvé 500 $! La morale de l'histoire. Pas besoin de maîtriser toute chose ou de comprendre pleinement quelque chose. Si tu t'attaches à quelque chose de bon, une bonne énigme, même si tu ne la connais pas vraiment, tu peux être grandement béni par ces choses-là. Et si, pas besoin de comprendre toute l'étendue de ce que Dieu veut faire, parce que, mais si on s'attache à certains principes par la foi, des bonnes choses vont arriver. Amen. Dieu, dans son amour, l'image suivante, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est pas un tuyau de conduit, c'est ce qu'on appelle une capsule temporelle. Time capsule, une capsule temporelle. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi une capsule temporelle? Ah, alors pour ceux qui ne le savent pas, une capsule temporelle, c'est quand tu prends des choses très, très précieuses, significatives d'une époque, tu les mets dans la capsule, tu l'enterres, tu l'oublies pendant longtemps, longtemps, longtemps, jusqu'à telle date, et les gens de cette époque-là, dans le futur, vont venir ouvrir ta capsule temporelle, ils vont regarder ce qui était précieux et significatif pour toi. C'est comme si ça voyageait dans le temps. C'est vraiment scellé, ils mettent ça, ils scellent chaque extrémité, ils enterrent ça sous la terre, peu importe ce qui arrive, c'est prévu qu'il y a une date où tu vas sortir cette capsule temporelle-là, tu vas l'ouvrir et tout ce que tu avais gardé de précieux d'une époque, tout ce qui va être là dans l'avenir, dans un avenir qu'on ne sait pas, dans un avenir incertain. Quand Dieu a créé l'homme, dans son infinie sagesse, dans sa grandeur, dans sa puissance, dans son omniscience, il savait que l'homme, un jour, il l'a créé avec une volonté propre, il savait que l'homme, un jour, se révolterait contre lui et qu'il tomberait. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grandeur et dans sa sagesse, avait préparé une capsule temporelle pour nous permettre de passer, pour permettre que l'humanité passe à travers ce temps difficile. Cette capsule temporelle-là est en Jésus. Elle était en Jésus avant sa venue. Elle est en Jésus alors qu'il est venu sur terre et elle sera en Jésus jusqu'à son retour. Dieu, dans son infini amour, dans sa grâce, dans son amour, a ouvert une porte pour que chaque être humain qui met sa foi en Jésus puisse entrer dans cette capsule temporelle-là, échappe au jugement de l'humanité, échappe aux conséquences du péché et qu'il puisse entrer dans un avenir grandiose, puissant, restaurant, dans un espoir d'une vie vivante aujourd'hui et dans le monde à venir, grâce à ce salut-là qui est en Jésus. Et je vais vous lire une prière que Dieu a inspirée à l'apôtre Paul. C'est dans Éphésiens, 3e chapitre. Je vais vous lire du verset 14 à 19, c'est dans de 14 à 21, c'est dans le Nouveau Testament. C'est une partie de cette prière-là qui a été inspirée à Paul et qui nous parle d'une grande vérité, d'une grande grâce que nous avons en Jésus. Il y a quelque chose, quand on découvre, quand on comprend, toute l'étendue de l'amour de Jésus. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui nous anime. Il y a quelque chose qui nous pousse plus loin. C'est ça, voir la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu, c'est quand on entre, qu'on expérimente même une fraction de l'amour de Dieu pour l'être humain. Quand on commence à voir cette capsule temporelle-là, toute l'étendue de l'amour de Dieu pour l'humanité, quand on arrive à saisir cela, ne serait-ce qu'une fraction de ces choses-là, c'est la gloire de Dieu qu'on expérimente. Et ça nous pousse ailleurs, ça nous amène ailleurs. À chaque fois que quelqu'un goûte à cette gloire-là, qu'il expérimente cette gloire-là, deux choses arrivent. Souvent, il va être touché, humilié. Vous allez voir souvent, quand la gloire de Dieu vient, les gens tombent à genoux, conscients de leurs limites humaines, conscients de leurs péchés. Et Dieu les motive à aller plus loin et à avoir un impact dans le monde qui les entoure. Voici la prière que Paul déclare pour les gens d'Éphèse. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il dit beaucoup de choses. Il dit énormément de choses. Si je retourne en arrière sur le verset 16, « Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, afin que tu puisses goûter à sa gloire, qu'il te donne selon la richesse de sa gloire. » Paul a fait cette prière non seulement pour les jeunes Éphésiens, c'est une prière qui passe à travers les âges. Dieu veut te donner selon la richesse de sa gloire. Je ne sais pas comment tu conçois quelle est la gloire de Dieu, mais la gloire de Dieu parle de son amour. Dieu se glorifie dans son amour. Quand Jésus est venu se donner par amour pour nous, Dieu l'a élevé dans la gloire, il a donné un nom au-dessus de tout nom, il l'a élevé, glorifié au-dessus de toute chose. Dans le ciel où Jésus siège, où l'agneau de Dieu, on parle de Jésus comme étant l'agneau de Dieu, le sacrifice pour l'humanité, le sacrifice pour les péchés. Là où l'agneau de Dieu siège, des anges en permanence, 24 heures sur 24, dans un lieu où il n'y a pas une naissance de temps, 7 jours sur 7, 365 jours par année, d'année en année, de siècle en siècle, d'éternité en éternité, disent « Gloire, gloire, gloire ». La gloire de Dieu est dans son amour, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. C'est un amour qui n'a pas de fond, qui n'a pas de limite, qui ne peut même pas être compréhensible pour un être humain. Quelque chose qui dépasse notre entendement. Un amour qui croit tout, qui pardonne tout, qui peut enlever tout péché. Qu'il vous donne, selon la puissance, la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Quand tu goûtes, quand tu vois la gloire de Dieu, quand tu expérimentes la gloire de Dieu, il y a un travail qui se fait à l'intérieur de toi, en sorte que Dieu habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé sur l'amour, afin qu'étant touché par cet amour-là, on puisse comprendre quelle est la longueur, quelle est la largeur, quelle est la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je suis quelqu'un qui a une formation intellectuelle. Je suis venu à Jésus, je suis venu à la connaissance de Jésus-Christ par des choses, non pas que j'ai lues, non pas par une appréhension intellectuelle, non pas par des raisonnements ou des jeux de raisonnement, mais par quelque chose, par un amour que j'ai expérimenté, par quelque chose que j'ai goûté, par quelque chose qui m'a affecté, par une personne, par la personne de Jésus qui est allée vers moi. À chaque fois qu'il est allé vers moi, à chaque fois que j'ai goûté un aspect un petit peu plus profond de sa gloire, ça a changé complètement mes références, ça a changé complètement ma compréhension. Je n'ai plus été le même. Je ne sais pas quelle est votre compréhension de la puissance de Dieu, de l'œuvre de Dieu en ce jour, mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu en cela, s'il n'y a pas la grâce de Dieu qui manifeste, s'il n'y a pas une compréhension, une touche de l'étendue de comment Dieu nous aime, quelle est l'étendue de sa grâce, quelle est l'étendue de sa patience envers nous, envers toute l'humanité, envers quiconque vient vers lui. Si cet aspect-là n'est pas présent, c'est comme si Dieu devient un instrument pour guérir, pour toucher, pour bénir, sans relation, sans substance. Ça devient une force lointaine, quelque chose qu'on ne touche pas, qu'on ne comprend pas. Or, c'est une personne qui nous aime, qui se laisse toucher, qui se laisse rejoindre. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux goûter à toute la plénitude de Dieu, cherche à recevoir, à t'approcher, à saisir quelle est l'étendue de ta grâce, Seigneur. Cesse à goûter qu'est-ce que tu peux faire, quelle est l'étendue de ton amour. Versets 20 et 21. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Tu veux goûter à la plénitude de Dieu? Comme on dit en anglais, you want your mind to be blown? Tu veux qu'il y ait une bombe qui vienne dans tes pensées, qu'il y ait un changement majeur, qu'il vienne au-delà de tout ce que tu peux demander, penser, infiniment au-delà. Quelque chose que tu n'aurais même pas pu saisir, que tu ne pourrais même pas comprendre. Tu veux expérimenter quelque chose de grandiose en Dieu. Ouvre-toi à voir sa gloire. Ouvre-toi à voir quelle est l'étendue de ton amour. Ouvre-toi à marcher, à goûter ton amour. Les gens qui ont transformé le monde, les gens qui ont eu un impact puissant dans les personnes qui les entourent, c'est toutes des personnes qui ne l'ont pas fait par leur propre force, mais c'est des gens qui ont été emportés, saisis, transformés par l'amour de Dieu. Des gens faibles, des gens des fois malades, des gens avec des limites humaines, des limites intellectuelles, mais qui ont été saisis par un amour, une grâce, une gloire qui les dépasse. Des gens qui étaient prêts à... Cet amour-là était tellement grand en eux qu'ils étaient prêts même à souffrir, prêts même à vivre du rejet, prêts même à vivre des injustices, prêts même à pardonner, à comprendre, à dépasser, à croire tout, à pardonner tout. Un amour. C'est pour ça qu'on parle du fruit de l'Esprit de Dieu comme étant l'amour. L'Esprit de Dieu à l'œuvre en nous, on peut le résumer en une chose, l'amour. Est-ce que vous voulez voir sa gloire? Est-ce que vous voulez voir sa gloire? Augustin, beaucoup des réformateurs ont été inspirés par Augustin. Augustin qui a vécu dans l'Empire romain, je pense au 3e siècle. Augustin qui avait une mère chrétienne, mais qui est allé vers d'autres croyances et qui a vécu une vie pas toujours facile et qui a façonné notre compréhension de la grâce. Augustin a souligné la nécessité absolue et la nature entièrement inclusive, gratuite et omniprésente de la grâce dans tous les aspects de la vie du chrétien. Il a souligné la nécessité absolue et la nature entièrement inclusive, gratuite et omniprésence de la grâce dans tous les aspects de la vie chrétienne. La grâce, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on goûte un jour et puis qu'on met en banque pour notre salut éternel et qu'on oublie le lendemain. Je vous le dis, si vous voulez vraiment marcher dans la gloire de Dieu, si vous voulez vraiment voir Dieu agir, vous avez besoin d'être ressourcé à son amour, d'être ressourcé à sa grâce continuellement. La bonne nouvelle était bonne le jour de votre salut, elle est bonne si vous n'êtes pas sauvé. Pour votre salut, elle est bonne alors qu'on est sauvé. La bonne nouvelle, c'est quelque chose qu'on porte, qu'on vit et qu'on transmet. Tu en as besoin continuellement. C'est l'air que tu respires. Les choses qui t'animent, c'est ce que tu goûtes, c'est ce que tu as besoin. C'est ce qui est central pour toi. L'image suivante, Jean Hus, un des pré-réformés. Jean Hus, qui lui a parlé de l'amour de Dieu plus qu'avec des mots. Il en a parlé sur son bûcher, alors qu'il a été jugé. Jean-Hus venait de Tchécoslovaquie, ce qui est de la Tchécoslovaquie, mais là, avant que ce pays-là existe. Et les Hussistes, les gens qui sont restés sur ces enseignements, avant même, Jean-Hus précède le Martin Luther. Il a influencé Martin Luther. Des gens qui ont reçu son enseignement, sont restés avec lui, sont allés en Allemagne, ont formé les Moraviens, ont été les premiers élans missionnaires, sont issus de gens qui ont été formés par Jean Hus. Mais Jean Hus, plus que tous les discours qu'il a fait, c'est comment il est allé au bûcher avec une paix dans le cœur, comment il a cet amour-là qu'il a goûté de Dieu, cette vérité-là qu'il a goûté de Dieu, n'a permis de tenir la tête haute malgré les jugements. Peut-être plus local, Charles Schnicki, ici au Québec, premier grand prédicateur évangélique. Premier grand prédicateur chrétien. L'image suivante, Charles Schnicki. Il a commencé d'abord à parler de la part parmi les catholiques, où il prêchait sur la tempérance, les ravages de l'alcool. Arlève, ici en Montérégie, a eu beaucoup d'impact à Longueuil. Charles Schnicki, des impacts aux États-Unis, des impacts encore ici à Montréal. Quelqu'un guidé par Dieu, il a dit, il a expérimenté quelque chose. Il a expérimenté le salut. Voici ce qu'il a expérimenté. Le salut est un don parfait et gratuit, un cadeau de Dieu qui ne demande en retour qu'amour et repentir. Un amour qu'on reçoit qui ne demande qu'une réponse d'amour et que d'être conscient qu'on est limité. Ces gens-là ont vu la gloire de Dieu. Augustin a vu la gloire de Dieu. Jean Hus a pu marcher dans la persécution face à toutes sortes d'obstacles parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Charles Schnicki a pu se dresser contre l'institution catholique qui était omniprésente, qui était l'identité même. On était Canadiens, Français, catholiques. C'était le package. Tu étais francophone, tu naissais ici, tu étais Canadien, Français, catholique. Puis, catholique, canadien, français, l'importance ne venait pas nécessairement dans l'ordre. C'était là, c'était présent. Cet homme-là s'est dressé contre toutes ces choses-là à cause de ce qu'il a expérimenté, à cause de la gloire de Dieu qu'il a vue. J'ai été choqué un peu dernièrement. Je peux même pas vous dire qui parce que j'ai oublié. C'est juste la remarque qui m'est restée. Je pense que Dieu fait bien que j'oublie la personne qui le dit. Merci Seigneur que j'oublie la personne qui le dit. Mais cette remarque-là, je veux me dresser contre elle. Parce que je parlais un peu de l'implantation d'église, puis je disais, on est à Tobin Park, puis ça va bien. On est à peu près bon an, mal an, dimanche après dimanche, on est une cinquantaine de personnes. Je dis, oui, c'est normal, puis c'est correct, c'est une petite place, là, la vallée du Richelieu. C'est quoi? Là, moi, j'ai pas réagi. J'ai rien dit. Mais là, après, ça restait dans ma tête. J'ai dit quoi? Il faut qu'on aille dans des villes, dans des régions où il y a 500 000 personnes pour qu'on puisse penser avoir une église qui a un impact. Puis on est dans une ville, il y a au moins 50 000 personnes si on inclut McMasterville. Au moins 50 000 personnes. Si on rejoint 1% de la population ici, on est 500 personnes. On a 3 réunions. Avec un culte des enfants en bas, parce que pour sauver de l'espace. Le stationnement en plein, puis on stationne partout dans la rue. 1% de la population. Puis 1% de la population, c'est rien. 10% de la population, une personne sur 10. On parle de milliers de personnes, c'est 5000 personnes. Il n'y a pas de place pour que Dieu ait un impact dans la vie ici. Que Dieu ne puisse pas agir. Je ne dis pas que ça va être facile, je ne dis pas que ça doit prendre place, mais je dis que nos mentalités doivent s'ouvrir en quelque part. On ne doit pas être satisfait de dire non, c'est juste dans des grandes villes qu'on peut avoir des grandes églises. Ici, il y a 50 000 personnes. 50 000 personnes. La majorité d'entre elles ne connaissent pas Jésus. Est-ce que moi, je peux être satisfait qu'on soit juste 50 puis que ça soit difficile puis que je ne peux pas m'attendre à plus? 1% de la population, une personne sur 100. Tu marches dans la rue, tu croises 100 personnes, puis tu vas serrer la main à une personne en étant « Oh, on partage la même foi. » Puis on est déjà 500 personnes ici, puis on déborde. Est-ce que je pourrais être même satisfait de ces choses-là? Comprenez-vous mon raisonnement? Quand tu vois la gloire de Dieu, quand tu comprends le prix payé par Jésus, ça ne te laisse pas tranquille. Puis quand il y a des situations comme ça qui se passent, tu ne peux pas être satisfait parce que ça s'est toujours passé comme ça. Dieu a donné sa vie pour plus que ça. Dieu veut agir pour plus que ça. Petite parenthèse. Job. Tournez avec moi dans Job. Un des passages que j'aime le plus. Et je bénis Dieu qui m'a donné une autre façon de le percevoir. Job 42e chapitre, je vais vous lire les versets 5 à 6. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, Job 5 à 6, je lis dans la version Louis II. Livre de Job, livre merveilleux, incroyable. Et je me prie de me dresser contre une certaine théologie qu'on peut entendre des fois. La théologie du monde des merveilles. Ou alors que tu acceptes Jésus, tout va bien. Il n'y en aura pas de problème. Il n'y en aura pas de difficulté. Si tu as des problèmes, c'est des difficultés. C'est toi qui es le problème. Tu manques de foi. Déclare les choses de Dieu. Quand je lis le livre de Job, ça ne marche pas de même. Job a été écrit. C'est un livre, un des premiers. Certains déclarent que c'est un des premiers livres de la Bible. A été décrit pour qu'on puisse comprendre que ce n'est pas parce qu'on vit des situations de malheur, ce n'est pas parce qu'on vit des troubles, ce n'est pas parce qu'on vit des injustices, ce n'est pas parce qu'il y a l'apparence d'un jugement sur notre vie, l'apparence d'une malédiction sur notre vie, que nécessairement on est jugé par Dieu. Pendant toute l'Antiquité, vous pensez que c'est des choses nouvelles. Je ne sais pas votre background chrétien, je ne connais pas votre expérience, mais il y a des courants qui courent. Comme quoi, si tu as la faveur de Dieu, tu as la faveur de Dieu, ça finit là. Si tu n'as pas la faveur de Dieu, c'est toi qui as un problème. Tu as un problème de foi. Dieu veut bénir. Dieu, oui, c'est vrai, Dieu veut faire des bonnes choses, mais il y a des malheurs qui arrivent aux bonnes personnes, puis il y a des bonnes choses qui arrivent à des méchants. Le livre de Job est là pour ça. Si jamais tu as un doute dans ta vie, je t'en prie, lis le livre de Job. Parce que dès le commencement, Dieu déclare qu'il n'y avait pas un homme comme Job. Il n'y en avait pas un comme Job. Il n'y en avait pas un qui servait comme Job. Et il y a une situation qui vient où il perd tout. Au point que les gens disent « Maudit Dieu, puis meurt! » Il n'y en a plus d'espoir, c'est fini. Mais Dieu n'a pas déclaré ces choses sur Job. Et c'est toute une réflexion, c'est une longue lecture ou des discussions. On travaille. Et à la fin, Dieu parle. Et à la fin, Job voit la gloire de Dieu. Et laissez-moi vous lire ce qu'il dit. Quel beau passage! Job 42, verset 5 à 6. « Mon oreille avait entendu parler de toi. J'avais entendu des choses sur toi, Seigneur. J'avais des notions lointaines de qui tu es. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Maintenant, mon œil t'a vu. J'ai vu ta gloire. Je comprends quelle est l'étendue de ta grâce, quelle est l'étendue de ta miséricorde, quelle est l'étendue de ta fidélité et comment moi, je ne mérite rien de toi, mais par grâce, par amour pour moi, tu me fais du bien. Moi, aujourd'hui, en 2017, je veux voir ta gloire. Je ne veux pas entendre parler de toi. Je veux voir ta gloire. Je veux expérimenter quelle est toute l'étendue de ta grâce et de ton amour. Face à toutes les situations, face à toutes mes limites, toutes mes faiblesses, tous mes manquements, tous mes défauts, toutes les situations qui m'entourent, toutes les choses qui sont plus grandes que moi, toutes mes impossibilités, je veux voir ta gloire. Je veux saisir une portion de ta gloire, une portion de ton amour, une portion de ta fidélité, une portion de qui tu es. Parce que quand j'aurai saisi ces choses, peu importe ce qui se dresse contre moi, Dieu va se glorifier à travers moi. Je vais refléter cette gloire-là. Exode, dernier verset pour vous. Exode. Moïse, quand il était face à Dieu, quand il a eu cette conversation-là avec Dieu, quand il redescendait de la montagne, son visage, la gloire de Dieu se lisait sur son visage. Une lumière était sur lui. Qui, pensez-vous, pourra influencer la vallée du Richelieu, vos amis, vos familles, si ce n'est quelqu'un qui va auprès de Dieu, qui expérimente sa gloire, qui expérimente tout ce qu'il est et qui le reflète, qui descend de la montagne avec un visage luisant. Moi, souvent, je rencontre des gens, ça fait des années que je ne les ai pas vus. Je regarde le visage, je sais qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Je sais qu'ils ont expérimenté quelque chose avec Dieu parce que leur visage a changé. Leur visage est luisant. Leur visage reflète cette gloire-là, cet amour-là de Dieu. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Mais si tu le reçois vraiment, de l'abondance de ce que tu as reçu, ta bouche va parler. Tu ne seras pas simplement béni. Combien de fois je le dis cela, mais je vais vous le répéter jusqu'à temps que ça rentre. Dieu ne t'appelle pas à seulement être rassasié, ne t'appelle pas seulement à être béni. Dieu t'appelle à être une source d'eau vive, à être une source de bénédiction pour le monde qui t'entoure. Ce n'est pas par toi-même, ce n'est pas à cause de qui tu es, à cause de ce que tu fais, mais c'est par sa grâce et par son amour, c'est parce que tu reçois, c'est parce que tu as vu sa gloire, parce que tu acceptes sa gloire. Est-ce que c'est humiliant? Mais hein! Est-ce que tu tombes à genoux? Oui! À qui revient la gloire? Est-ce que ça t'élève toi? Non! Tu es comme Jean-Baptiste, tu diminues afin qu'elle lui grandisse. Mais est-ce que c'est pas glorieux? Oui! Est-ce que c'est pas puissant? Oui! Est-ce qu'il n'y a pas de pression? Mais hein, ça dégage tellement de choses. Si Dieu, s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a des vies qui sont touchées, c'est parce que Dieu est à l'œuvre. C'est parce que j'ai goûté, je me suis abreuvé auprès de lui. C'est parce que s'il y a quelque chose de grandiose, de puissant qui sort de moi, c'est pas, ça ne vient pas de moi. C'est lui, c'est sa gloire, c'est sa grâce, c'est son amour. Ça nous dépasse. Voici le désir de Moïse. Exode 33 dans l'Ancien Testament. Je vais lire du verset 18 à 23. La demande de Moïse à Dieu. Moïse dit... Il dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Ma gloire, c'est quoi? C'est toute ma bonté. C'est tout ce qui est bon en moi. C'est tout ce qui est merveilleux. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. C'est quoi le nom de l'Éternel? Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. La grâce, c'est quoi? C'est un cadeau qu'on ne mérite pas. La miséricorde, c'est quoi? C'est l'absence d'un jugement qu'on méritait. Je retiens mon jugement à quiconque met sa foi en moi. Je dépose ma grâce, mon amour à quiconque la veut. En moi, en Jésus. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Verset 20-21, l'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Tu ne pourras pas voir ma face. » Ça me travaillait souvent, ça. Ça m'a toujours travaillé. Tu ne peux pas voir ma face. Et là, je ne ferai pas un bon exégèse de moi. Et je vous mentirais de dire que j'ai étudié là-dessus, puissamment. Et je ne pense pas que ça englobe l'étendue de ce que c'est, parce qu'on sert un Dieu saint, un Dieu trois fois saint, un Dieu juste. Je pense qu'il y a une partie de ça qui est dangereux, qui fait qu'on ne peut pas voir sa gloire. Mais je vais vous dire, moi, une révélation personnelle. L'étendue de l'amour de Dieu est tellement grand. Ça nous dépasse tellement. Ça dépasse tellement notre compréhension. On le dit comme ça, il pardonne tous les êtres humains. Il fait grâce à tous les hommes. Ça, quand tu le déclares comme ça, c'est une notion lointaine. Mais essaye d'imaginer le poids du péché, l'étendue de la méchanceté, de la dureté du cœur de tous les hommes. Essaye de t'imaginer ces choses et vois, essaye de comprendre l'étendue de sa grâce, de son amour, parce qu'il a dit que son désir, c'est qu'aucun périsse. que tous soient sauvés. Ça, c'est l'étendue de la grâce de Dieu. Moi, je ne pense pas qu'il y a un cœur humain, une conception humaine qui peut voir, saisir ces choses-là, parce que c'est ça la face de Dieu. C'est ce qu'il est. On peut l'entendre, on peut voir le derrière de ces choses, on peut voir, Dieu permet qu'on puisse porter une petite partie de tout ce qui est sa gloire, son amour, sa grâce, mais je ne pense pas qu'on puisse saisir ces choses-là et vivre. Et vivre, le cœur va nous lâcher, c'est trop grand, c'est trop puissant, c'est trop merveilleux, c'est trop. Moi, je ne serais pas capable d'aimer comme ça, pas capable de pardonner comme ça, pas capable de me donner comme ça. Si je peux simplement saisir, mais c'est trop, je peux juste voir une partie. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher est Jésus. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Voici la révélation que Dieu me donne sur ce passage-là. Oui, on ne peut pas voir toute la grâce de Dieu. Mais Jésus a dit qu'on ferait toutes les choses qu'il a fait et qu'on en ferait des plus grandes encore. Il cache Moïse dans le creux du rocher. Chacun d'entre nous, nous avons une place dans le creux du rocher. Chacun d'entre nous, nous avons une portion de sa gloire que nous pouvons refléter. On ne peut pas chacun d'entre nous refléter toute l'étendue de sa gloire. Mais le corps entier, le corps qu'est Jésus, le corps qu'est son Église, à travers des dons différents, à travers des capacités différentes, ensemble, on peut refléter un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu de gloire. Ensemble, chacun d'entre nous, on ne peut pas porter tout cet amour, mais ensemble, on peut refléter l'amour de Jésus-Christ encore mieux que lui ne pouvait le faire, parce qu'on est plusieurs. J'inviterai Isabelle et Bertrand juste venir. J'ai peu d'autres choses à rajouter. Je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. C'est une conviction profonde que je crois que je vous ai donné des exemples d'héros de la foi, puis j'aurais pu donner des exemples d'héros locaux. Il y a un homme qui m'a marqué profondément. Je ne sais pas si tu l'as connu, Pierre. Oliva Vachon. Serge l'a connu, certains l'ont connu. Et qui aimait Dieu. Qu'est-ce qui aimait le Saint-Esprit? Quand il parlait du Saint-Esprit, les murs branlaient. Tout son corps, le Saint-Esprit. Tu n'es pas capable de dire juste le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit. Quelqu'un avec toutes des limites, quelqu'un qui ne savait pas lire ni écrire, qui a fait sa formation au collège biblique en se faisant faire des examens oraux. Quelqu'un qui a fait une œuvre en Abitibi, dans les lieux où très catholiques. Je pense qu'il m'avait dit, je le dis de mémoire, mais je pense que c'est vrai, il partait. Puis, tu sais comment il y en a qui partent, lui, il partait sur le pouce, sur le train, là. Il s'agrippait un train de marchandises puis montait là-bas. Il mettait un col romain pour se faire trop persécuter, pour un prêtre ou un curé. Mais avec, qu'est-ce qui l'animait cet homme-là? Qu'est-ce qui animait Jean-Hus? Qu'est-ce qui animait Martin Luther? Qu'est-ce qui animait Calvin? Qu'est-ce qui animait Swingley? Qu'est-ce qui animait tous ces gens-là, tous ces héros de la foi? On pourrait faire une longue liste. Qu'est-ce qui a animé ces gens-là à faire face aux persécutions, à faire face aux difficultés, à faire face? C'est des gens qui ont, à un moment donné, ont vu la gloire de Dieu, ont été saisis par cette gloire-là, n'ont pas été capables de contenir cet amour-là. C'est cet amour-là qui les a poussés là. Et ce matin, je vais ouvrir une porte. Il reste 10 minutes avant le potluck. On aura un bon temps de communauté ensemble, un bon temps de partage. Et si vous êtes nos invités ce matin, visiteurs, nos invités ce matin avec nous, vous ne saviez pas qu'il y avait un potluck, et puis vous dites, je n'ai pas vraiment amené quelque chose. Il y en a toujours. Il y en a toujours. On a cette grâce-là. C'est comme les pains, puis les poissons, ça se multiplie, puis on étire ça, puis il y a toujours quelque chose à manger. Ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous, que vous puissiez rester avec nous. Mais ce matin, je vais ouvrir cette porte-là à ce que, par la foi, tu puisses dire, Seigneur Dieu, je veux voir ta gloire. Peut-être que ça ne sera pas ici ce matin, exactement là. Mais si tu désires voir sa gloire, goûter à son amour d'une façon surnaturelle, avoir autre chose que juste j'ai entendu parler de toi, mais là, je t'ai vu, je t'ai expérimenté concrètement, j'ai goûté c'est quoi ton amour. Je veux prendre ma place dans ton corps, je veux prendre ma place dans ce creux du rocher, dans qui tu es, Jésus, et je veux refléter cet amour-là. Ici, à chaque dimanche, quand on se retrouve, que c'est notre lieu de paix, c'est notre lieu de repos, de ressourcement, puis le lundi jusqu'au samedi, quand on est dans la tempête qui est nos semaines, souvent, puis qu'on reflète Jésus. Si tu veux voir cette gloire-là, je vais t'inviter à t'avancer. Je vais faire une prière simple. Et je crois que tu peux te faire goûter et te faire entrer en autre chose. Alors, l'autel est ouvert pour quiconque veut voir sa gloire, quiconque veut expérimenter quelque chose d'autre. Parce que quand Moïse l'a demandé, Dieu n'a pas dit, viens me voir dans une semaine. Il dit, voici comment tu peux me voir ma gloire. Alors, je laisse l'autel ouvert pour tous ceux qui veulent s'avancer.